zopper. J'avance dans la rue comme ce dit inconnu. Celui qui pense que l'illusion n'en reste pas la vertu. Finalisant le flow comme une impression déjà vue. Sur le catalogue de la vie, de tous ces corrompus. En freestyle, il faut que je taille dans cet avenir. Celui qui m'appelle sur la condition d'un devenir. C'est dire si l'indivision me coupe avec le temps. J'en garde l'instinct qui en effacera l'instant. L'écrivain se remet en route avec une rime incisive. Le mot tatoué sur la voix qui reste décisive. Normalité des choses et j'en ai pas fait le tour. La grisaille a décidé de renoncer face à l'amour. Le bien d'autrui, par où faut-il commencer? La sérénité a fait le dessin et s'est prononcée. Assez, j'ai crié sur le passé qui m'a fracassé. J'en ferai de la cuisine comme une belle fricassée. Et McAllister a fait briller son blister en se disant que la passion a gardé son bonheur. Une évolution constante après toutes ces heures où l'encre a dû couler, tranchant cela comme dans du beurre. Mastiqué sur les murs en te croyant vedette, mastiquant ton image sur les couleurs de la palette. La physique a englué et toute sa chimie. La formule est bien écrite et comme une alchimie. Quatre lettres sur le flow et n'oublie pas l'ancien. Même si tu crois que l'étouffement est ton quotidien, j'assume et pose dans le temps et ses aiguilles. Va balancer l'hameçon jusqu'à temps qu'il scintille. Que gardes-tu en tête si ce n'est que pouvoir réussir? Le monde est plein d'espoir sur l'avenir qui transpire. Et fumer le mic sur le constat d'un opposé. Voilà pourquoi j'ai toujours une rime à te proposer. J'avance en y cherchant toujours le sens. Le hip-hop est mon addiction et toute ma dépendance. Des fois j'en ai, des fois j'ai pas la chance de poser avec ceux que je kiffe dans cette douce France. J'ai fait briller mon flow avec du mirror afin de bien voir ma conviction et ses raccords. D'accord, des fois j'aurais dû faire plus d'efforts. C'est pas pour cela que t'as pas le droit d'être d'accord. Sur le snare, je claque comme la raison qui m'attraque. La passion de l'homme qui essaye d'éviter les claques. Remarque, on en retire toujours que des leçons. La confiance est attribuée et souvent à des cons. Ne dit-on pas que l'on apprend toujours de ses erreurs, au moins on invite la différence sur nos pleurs. Fatale décision sur le beat et ses pulsions, et justifiant le besoin de garder mes positions. Ouais, ouais. Justifiant le besoin de garder mes positions. J'avance, P2OP, ok. J'avance, comme il se doit, comme on me le doit, c'est pour ça. Les deux OP sur le mic, toi-même tu sais.